Le corbeau croasse et l'herbe croît. Le crapaud coasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Crois, crois, crois. J'ai eu des crises, crises de foi. Dans les églises, il fait très froid. Mais une vierge me réchauffa. Vierge du même signe que moi. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Crois, crois, crois. Là que mon âme ronge son frein, à Notre-Dame j'ai pris le train. Si je m'égare, fermez les yeux. Dans une gare, je prierai Dieu. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi.